Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 12 juin. On va ouvrir le petit sport local et régional d'abord en parlant que les élites de Jonquière ont confirmé ce que notre collègue Michel Thibault et Dominique Bolduc annonçaient récemment, c'est que Maxime Derisseau est le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Il succède à Steve Thériault qui a été congédié. Maxime Derisseau connaît un bon bagage d'expérience puisqu'il a œuvré pendant 6 ans comme entraîneur adjoint des Tigres de Victoriaville. Arnaud Dubé également, qui a œuvré pendant plusieurs années comme entraîneur-chef de l'équipe de la structure Espoir des élites, devient l'adjoint de Maxime Derisseau. Maintenant, on va parler du côté du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues hier. D'abord, le Boreal d'Allemagne a défait le FC Jean Dumas 5-3 dans la catégorie 14 masculin. Dans la catégorie senior féminin division 1, l'Attaque de Saint-Prime 7, Saint-Ambroise 0. Senior féminin division 1, gain du FC Jean Dumas 2-0 sur le FC de Saint-Félicien. Et également, le Boreal d'Allemagne a défait le FC du Lac 4-0. Dès hockey à Saint-Prime, il y avait des matchs également qui étaient en action. Il y avait plusieurs matchs. Le mardi, on sait que c'est toujours très, très occupé. D'abord, un gain de la formation des Mighty Ducks, 8-2 contre le Gingonic. Pour les Mighty Ducks, à noter dans le match que le meilleur joueur a été Jean-Philippe Lesage avec 3 buts, 2 passes. Mathieu Lapierre, 1 but, 2 passes. Jérôme Gravel, 2 buts. 1 but de passe pour Samuel Dallaire et Pierre-Carl Furlotte. Maintenant, on va y aller avec un autre match hier également qui se déroulait. Victoire de 4-2 pour la formation des Terres et Mers contre la formation des Canucks. Pour les gagnants, 2 buts de passe pour Fred. Un but pour Alexandre Dufresne et pour les Canucks, Guy Gaudreau et Jimmy Laroche ont marqué les buts. Maintenant, on va y aller avec un autre match qui se déroulait hier également, 9-1, un gain pour les Young Guns contre les Vikings. Pour les Young Guns, à noter que 2 buts, 3 passes pour Simon Lepage, 3 buts pour Antoine Girard, également 1 but de passe pour Victor Potvin et Charles Duchesne. Et dans les autres matchs également, à noter qu'il y avait un autre match qui nous intéressait hier dans cette catégorie-là, un gain de 11-2 pour la formation des détestables de Bleuets contre l'équipe des Farfelus. Pour les détestables Bleuets, 3 buts de passe de Joël Gaudreau, 1 but, 3 passes de Guillaume Roy, et également 2 buts de passe pour Jean-François Baudry. Aussi, Guillaume Roy a marqué un but et a amassé 3 passes. Pour les Farfelus, notons que François Duchaume et David Munger ont marqué les buts. Ligue de balle lente de Robertval hier, 3 matchs au programme. L'AEW a défait le Garma 17-5, Megavac 17, Saint-Hubert 7 et le Zodiac a défait le Pièce de Tour-Roussel 20-16. À Dolbeau-Mistassini, il y avait également des matchs hier. Plutôt lundi soir, et on va vous donner les pointages de lundi soir. Donc, le Métro a défait le 12-11 sur Métro Sport, et le Sport Expert qui a défait le Météor 20-7. Et hier, maintenant, le Météor 14, Métro 8, et le Sport Expert de Dolbeau-Mistassini a remporté une victoire de 11-10 sur le Saint-Hubert. Et je termine avec Jérémy Pelchat, qui est un choix de 8e ronde des Saguenay de Chicoutimi. Il était en entrevue hier sur les ondes de Radiosport.com et il s'est dit content d'avoir été repêché par les Saguenay. Oui, c'est sûr, c'est une surprise. Dans le fond, moi, je suis arrivé là, j'avais pas vraiment d'attente. Mais c'est sûr qu'on veut toujours être repêché, mais c'est. Oui, j'étais surpris. C'était le fun d'entendre le nom sortir dans le centre Vidéotron. C'est une belle surprise. Jérémy Pelchat, c'est décrit comme joueur de hockey. Moi, dans le fond, j'étais un petit joueur rapide avec des bonnes mains. Okay. Un joueur offensif, rapide et bon skills, capable de bien bouger la rondelle, puis transporter la rondelle aussi. Puis capable de jouer dans deux sens à la patinoire, travaillant, puis qui a une bonne étude de travail. Là. OK. J'ai l'impression que c'est vrai pour les élites. Et il s'est surpris du congédiement de Steve Thériault dernièrement. Oui, j'étais surpris. Je m'attendais pas à son départ. C'est quelque chose de surprenant. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai bien aimé Steve cette année. Puis, c'est pas les performances qui ont manqué. Fait que c'est plus une décision du conseil d'administration qui ont pris cette décision-là. Puis, pour leur raison, moi, j'étais vraiment surpris. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, écoutez la section entrevue de DonnerDuSport.com. Hier, plusieurs intervenants étaient dans le monde du sport. On a d'abord parlé avec Jérémy Pochard, qui est un choix de 8e ronde des Saguenayens. Junior Junot vient nous parler de la chronique du club de golf de Domaine Lac-Saint-Jean. Et Philippe Urtubis vient nous parler de la fièvre des Raptors dans la région. Sport local et régional à DonnerDuSport.com.